J'ai mal au corps, mon lich qui roule un joint darda, rejoins la salle de bain au radar. Une douche vite ça me sèche, glisse sud, appelle-moi Pierre Richard. Prends des masses à l'aise, glisse sud, c'est tombé quel connard. Le couteau dans l'armoire, comme par hasard. Catastrophe en bon, je rattrape la télécommande. Un CD plus de boîtier, quel tocard. J'ai la poche, je me demande. Et j'ai faim, déjeuner pas complet, le brouillé. Avant de rejoindre ma meuf avec qui je me suis embrouillé. Là, je tente de casser un œuf, ok, je vais essuyer. Le premier toujours à côté de la poêle, heureusement je suis à poil. J'ai tombé sur ma tête, vous m'en passez, c'est pas un tube. C'est vrai que j'en loupe pas une, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on me dit ça donne du style. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça qu'on dit. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. C'est vrai que j'en loupe pas une, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on me dit ça donne du style. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça qu'on dit. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. Je te raconte pas bien sûr comment j'ai enlevé l'œuf. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas la messe. Ah ouais, ce soir, une j'ai trop scotché mes œufs. Maintenant faut que je cavale. Je ferme la porte jusqu'à l'arène paranormale. Je marche la première, je la rate. Bien sûr, mon camarade en train de se moquer. Moi quand je lui dis t'as une mot condamné. Ça y est, c'est reparti la gueule pour toute la soirée. Enfin, je préfère qu'elle poule que j'entende pierrier. J'ai pu kiffer la bande de pendant tout le trajet. La dragée est passée, mademoiselle commence à capter. Je lui dis faut que je pisse, ça tombe bien, une aire de repos. Je la laisse avec un piaf, ils se comprennent, ils ont même cerveau. C'est vrai que j'en ai pas eu, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on me dit que ça donne du style. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça qu'on dit. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. C'est vrai que j'en ai pas eu, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on me dit que ça donne du style. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça qu'on dit. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. Prends mon pot d'Oscar, la zic du somme. Je rejoins mes loulobas, affalé. Tous mes ros sont là, collage à gauche, à droite. À gogo tequila, un petit verre, pas de la son, une gorgée, c'est torché. J'ai une touche, elle est louche, mitigé, mais j'y vais. J'ai tellement frotté, frotté que j'en ai mal aux couilles. Jusqu'à ce que le DJ foute un disque, y'a la farfouille. Les gars, on est vlou béguin, on fait la hagra. Au pire, on a des go, et du son dans la gova. Te fais pas de pile, tu sais qui j'suis moi. Insane, basta, qui la spill, Casanova. C'est vrai que j'en loupe pas une, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on me dit que ça donne du style. Te fais pas de pile, te fais pas de pile, c'est ça qu'on dit. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. C'est vrai que j'en ai pas eu, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on m'a dit que ça donne du style. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. Ne fais pas de bise, ne fais pas de bise, c'est ça que je dis. C'est vrai que j'en ai pas eu, c'est pour ça qu'on m'appelle Steve. Mais depuis que j'ai fait la une, on m'a dit que ça donne du style.